le Seigneur. Chagiri, roi, acclame bien le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, merci. Buona santé. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. C'est toi qui as le pouvoir d'affermir et d'agrandir toutes choses. C'est de toi que sort l'existence. C'est toi qui crée l'existence. C'est toi qui crée l'homme. C'est toi qui crée l'univers. C'est toi qui crée le temps. C'est toi qui es le garant de tout cela. Et qui contrôle chaque élément. Seigneur, Buona. Tu mérites la louange. Sifa. Tu mérites que l'on t'adore. Tu mérites nos cœurs. Tu nous mérites. Tu nous mérites, Seigneur. Tu mérites nos vies. Tu mérites nos volontés. Que tout se soumette à toi. Et ce soir, Seigneur, nous sommes là encore pour apprendre. Apprendre à te connaître. Car il est écrit, et ceux du peuple qui connaîtra leur Dieu agiront vaillamment. Il est écrit, vous me connaîtrez. Seigneur, nous voulons te connaître. Cher Saint-Esprit, parle à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur. Nous levons les mains ensemble. Et nous disons ensemble au Seigneur. Seigneur notre Dieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne sommes pas capables de te comprendre. Hatuna uwezo wa kukuelewa. Ni de comprendre ce que tu es. Ama kuelewa wewe ni nani. Ce soir, jioni ya leo, nous invitons ton esprit. Tunalika roho wako. Pour venir nous aider. Ili aje atusaidie. À accéder. Kufikia. Aux profondeurs de ta connaissance. Kuvilini vya ujuzi wako. Ouvre nos esprits. Fungua roho zetu. Afin que nous accédions. Ili tuweze kufikia. À ta connaissance. Kukujua wewe. Seigneur. Bwana. Aide-moi. Unisaidie. Personnellement. Kwa upekee. À te connaître. Nikujue. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Kristo. Que tout ce qui n'est pas de toi. Yote ambayo sio yako. S'éloigne de moi. Yende kaende mbali nami. Toute distraction. Kila kuzubaa. Toute divagation de pensée. Kila kupotea kwa mawazo. Toute influence maléfique. Kila ushawishi mbaya. Au nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu. Seigneur, ouvre tes chemins dans mon esprit. Bwana fungua njia zako moyoni mwangu. Trace tes chemins dans mon cœur. Nyosha njia zako moyoni mwangu. Afin que ta connaissance vienne en flot. Ili kukujua wewe ikuje kwa utele. Comme un fleuve. Kama vile mto. Pour vivifier. Kwa ajili ya kutoa uzima. Tout en moi. Yote iliyo ndani mwangu. Et pour apporter. Na kwa ajili ya kuleta. Ta gloire. Utukufu wako. Dans ma vie. Ndani ya maisha yangu. Utukufu ni wako, Bwana. Utukufu ni wako, Bwana. Oh, utukufu ni wako, Bwana. Utukufu ni wako, yes. Utukufu, utukufu ni wako. Utukufu ni wako, Bwana. Wastahili, wastahili heshima, Bwana. Wastahili, wastahili heshima, Bwana. Wastahili, wastahili heshima, Bwana. Wastahili, wastahili heshima, Yesu. Wastahili, wastahili heshima, Bwana. La louange, sifa, la sagesse, l'éclat et la magnificence. Wezo, et ce soir, leo, dans ta gloire, viens, Seigneur. Viens dans cette assemblée, que ta gloire remplisse ces lieux, na utukufu wako ujae mahali hapa. Que ta gloire remplisse cet endroit. Utukufu wako ujae mahali hapa. Viens dans ton bois. Viens dans utukufu wako. Viens, Seigneur. Jobwana. Alléluia. Alléluia. Les saluts. Okofu. La gloire. Utukufu. Et la puissance. Na uwezo. Sont à notre Dieu. Ndivyo Mungu wetu. Alléluia. Les saluts. La gloire. Et la puissance. Sont à notre Dieu. Tunashangilia Mungu huyo. Gloire à toi Seigneur. Utukufu kwako Bwana. Shalom à tous. Amani kwenu nyote. Kipe saluer ton voisin. Unaweza kumsalimu jirani yako. Dis-lui, nous cherchons la gloire de Dieu. Mwambie tunatafuta utukufu wa Mungu. Dis-lui correctement. Mwambie vizuri. Rassure-lui que c'est pour ça que tu es là. Mwambie ni kwa ajili ya hiyo uko hapa. Nous cherchons ta gloire, Seigneur. Tunatafuta utukufu wako Bwana. Et nous la refuse pas. Na usikatae kutupatia nayo. Et nous la refuse pas, Seigneur. Usikatae kutupatia nayo Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous avons parlé de la première facette. Yana tulikuwa tukizungumzia uso wa kwanza. De la gloire de Dieu en lui-même. Wa utukufu wa Mungu ndani yake mwenyewe. Nous avons parlé de son être. Na tukazungumzia kukua kwake. Ce soir nous voulons parler. Jioni ya leo tunatamani kuzungumzia utu wake. J'aimerais accueillir un bien-aimé. Na ningependa nimpokee mpendwa mmoja. Votre frère. Ndugu yenu. Papa Samuel Ndahura. Papa Samuel Ndahura. Qui vient de Dungu. Ambana. Votre missionnaire. Missionnaire wenu. Karibu. Soyez les bienvenus. Karibu kwako. Ça va là-bas. Mambo ni sawa huko. Ok, à suivre. À suivre. La personne de Dieu. Utu wa Mungu. Nous avons vu, frères et sœurs, que l'apprentissage à connaître Dieu est une science très élevée selon le psaume 139, verset 6. Une science si élevée que personne ne sera suffisant pour l'appréhender parfaitement. Tumeona ya kwamba ndani ya Zaburi 139 ya kwamba kutafuta kumjua Mungu inakuwa sayansi iliyo juu na hakuna anayeweza kuijua. Et Dieu, na Mungu, dans sa perfection, ndani ya ukamilifu wake, selon Romains 1:20, ufuatana na Warumi 1:20, les perfections invisibles de Dieu, ukamilifu usioonekana wa Mungu, sa puissance éternelle, uwezo wake wa milele, les perfections de Dieu, ukamilifu wa Mungu. Paul l'exprime en ceci. Paulo anakuwa akizungumzia namna hivi. Et dit, nous le voyons par la création. Anasema tunaitazama kupitia uumbaji. Or, même cette création ijapokuwa hata uumbaji ne suffit pas hautoshi pour exprimer tout ce que Dieu est. Kwa ajili ya kuonyesha ile ambayo yote Mungu iko. Si nous prenons un être humain comme un ennemi, kama tunachukua mwanadamu kama nini, et nous le déchiquetons, na tunaanza kumpasua, à partir de sa composition, kuanzia vinavyomuunga, comment ça fonctionne, namna gani mambo yanaendeka, nous allons adorer Dieu, tutamuabudu Mungu, mais ce ne sera pas encore suffisant, lakini hiyo itakuwa haijatosha. Lorsque tu te regardes dans le miroir, wakati unajiangalia ndani ya kio, avant de sortir le matin, mbele ya kuondoka asubuhi, tu t'assures que tu arranges des choses. Unahakikisha kwamba umetengeneza mambo. Et quand tu as fini, na wakati umemaliza, tu dis merci Seigneur. Unasema asante Bwana. Je suis une créature merveilleuse. Mimi ni kiumbe kilicho bora. Mais même ça, lakini hata hiyo, c'est insuffisant. Haitoshi. Pour démontrer ce que Dieu est. Kwa ajili ya kuonyesha ile ambayo Mungu iko. Dieu est tellement grand. Mungu ni mkubwa zaidi. Que le langage qui va aider l'être humain à le comprendre, à le connaître, na masemi atakayomsaidia mwanadamu amjue, nous l'aurons là-bas quand nous tutaipata tu huko tutakapofika. La Bible dit, Biblia nasema, quand nous le verrons, tutakapomuona, tel qu'il est, jinsi alivyo, nous serons semblables à lui. Tutamufanana. Hey. Depuis quand? Tangu siku gani? Comment? Namna gani? Nous serons semblables à lui. Tutamufanana. Même cette phrase est difficile à comprendre. Hata msemo huu inakuwa mgumu kwa kuelewa. On sera semblable à Dieu, à Yahweh, en quoi? Tutamfanana na Mungu. Yahweh namna gani? Ça sera comment? Namna gani? C'est encore lui qui sait comment ça sera. Ni yeye ndiye tena ambaye anajua namna gani mambo yatakuwa. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nous sommes la créature privilégiée. Sisi ni viumbe vilivyo bora machoni pake. Regardez, ouvrez votre Bible au premier, à la première page. Fungueni Biblia yenu kwa karatasi ya kwanza. Quelle est la première phrase de la Bible? Msemo wa kwanza wa Biblia ni gani? Inasema nini? Au commencement, mwanzoni, Dieu, Mungu, créa, akaumba, les cieux, mbingu, et la terre, na dunia, point, nukta. Au commencement, mwanzoni, Dieu créa les cieux et la terre, point, Mungu kaumba mbingu na dunia, nukta. Le verset 2, Shaili la pili. jusqu'à la fin de la Bible, hadi kwa mwisho wa Biblia, parle des affaires inazungumzia mambo de Dieu avec l'homme et avec les hommes. Ya Mungu pamoja na mwanadamu na pamoja na wanadamu. Mais ce premier verset, lakini saili hili la renferme un mystère. Inakuwa inaweka siri. Renferme quelque chose. Inaweka il est tellement bref. Inakuwa ni kifupi. Au commencement, mwanzoni, Dieu créa les cieux et la terre. Mungu kaumba mbingu na dunia. Point. Nukta. Je vous ai expliqué. Niliwafasiria. À partir d'Apocalypse 1, 8. Kuanzia kitabu cha Ufunuo moja mstari wa 8. Alpha Omega. Alpha Omega. Qui était, aliyekuwa, qui est, qui était, qui vient. Na atakayekuja. Au commencement, mwanzoni, Dieu créa les cieux et la terre. Mungu kaumba mbingu na dunia. Si tu n'as pas compris quelque chose dans tes notes, ajoute ceci. Kama ukuelewa kitu ndani ya maandiko yako ce verset indique, ni kwamba shahili hili linaonyesha que avant ya kwamba mbele que Dieu crée les cieux et la terre, Mungu aumbe mbingu na dunia, il était déjà là. Alikuwa ameshakuwa hapo tayari. Il était déjà là. Alikuwa ameshakuwa tayari. Et ceci ne lui est pas arrivé comme un sursaut de surprise. Na yeye haikumtokea kama ghafla ya mshtuko. Vous serez d'accord avec moi que si nous réfléchissons comme des humains face à la création, nous allons constater ceci. C'est que les cieux et la terre ou l'univers, la manière dont cela est agencé, cela est créé, doit avoir demandé à celui-là qui va créer cela une grande intelligence. Et si c'était un homme, ça doit avoir demandé des années et des siècles de recherche. Des décennies en laboratoire. Des années de conception. Des années de réflexion. Des années de vérification si ça va marcher. Des essais et des erreurs. Mais Dieu, parce que c'est lui, il créa les cieux et la terre. Et il nous cache le temps que ça a fait pour créer les cieux et la terre. Regardez ceci. Lorsque Moïse, l'auteur des Pentateuques, on appelle les cinq livres de Moïse, a eu la révélation de toutes ces choses ici. Il communique avec Dieu, avec Yahweh à question. J'imagine que Moïse lui aurait demandé, et puis tout ceci est venu de... C'est comment en fait tout ça? Et je crois que Dieu était obligé de lui donner une courte réponse. Au commencement, j'ai créé les cieux et la terre. C'est fini. Ça suffit. Tu veux quoi encore? Dans ma Bible, après cette phrase-là, il y a une pause. Je ne sais pas si c'est dans toutes les Bibles. Je ne sais pas vérifier. Frère, montre. Je crois que chez toi aussi. Chez toi, c'est où? Chez le frère, c'est ça aussi. Regardez, après le premier verset, il y a un espace. C'est ça dans votre Bible, c'est comme ça. Dans toutes les Bibles, c'est comme ça. En fait, cette phrase constitue en elle seule un chapitre. Ça constitue un oasis. Ça constitue une plage. Ça constitue quelque chose de total. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Point. Moïse, Toi à qui je parle, tu es localisé où? Sur la terre. Duniani. Pourquoi Dieu, gani tu parles de créer les cieux et la terre? Pourquoi tu ne parles pas de créer l'univers? Gani parce que celui avec qui je m'adresse est sur la terre. Les choses que Moïse peut comprendre, mambo ce sont les choses de la terre. Mambo ya dunia. Alors je vais l'aider. Sasa nitamsaidia. Je vais lui expliquer. Nitamufasiria. Que j'ai créé les cieux, ya les choses qu'il voit là en haut. Mbingu mambo ambayo iko huko juu. Et puis la terre sur laquelle il est déposé. Na dunia ambayo amewekwa. Comme être humain. Kama vile mwanadamu. Quand vous regardez la terre avec les astronautes ou astronomes, comme vous voulez. Unapoangalia ulimwengu pamoja na wale watu wa machine des astronautes. Ndani ya hii machine yote ya wataalamu wanaojifunza dunia. Quand vous regardez ce qu'on appelle l'univers. Unapoangalia ile mbao wanaita ulimwengu. Vous allez regarder dedans, vous allez voir la terre et aussi dedans. Utaona kwamba dunia nayo iko ndani. Comme un petit truc. Kama vile kakitu kadogo. Pourquoi, Seigneur, tu parles de la terre comme si la terre c'est une particularité? Parce que avant de créer cet ensemble qu'on appelle univers, dans le cœur de Dieu, dans la personne de Dieu, il y avait un but de tout ça. Dieu ne s'est pas lancé dans une aventure de recherche. Mungu hakujituma ndani ya mchezo wa utafiti. Ou d'un artiste. Ama mtu ambaye dessiner quelque chose. Amba anaanza kuchapa kitu. Griffonner quelque chose. Anaanza kuchapa chapa kuchora. Que, je vais mettre l'homme dedans. Sawa nitatie mwanadamu ndani. Hapana. Lorsque vous regardez en quoi ça rime toute cette création, vous allez vous rendre compte que depuis avant le commencement, Dieu a une intention. Dieu est suffisant dans son être comme Dieu. Mais il veut étendre sa sphère relationnelle. Wakuhusiana. Il veut élargir. Anapenda panue. Mais comment il va être en relation avec les arbres? Lakini namna gani atahusiana pamoja na miti? Avec les chèvres. Pamoja na mbuzi. Avec les montagnes. Pamoja na milima. Avec les planètes. Pamoja na masayari. Les étoiles et les astres. Pamoja na nyota na masayari zote. Je vais descendre sur Mars pour aller causer avec Mars. Nitashuka kwenye Mars ili nizungumze pamoja na Mars. Il est écrit en Genèse. Imeandikwa ndani ya kitabu cha Mwanzo. Et Dieu descendait dans la brise du soir. Na Mungu alikuwa anashuka pa jioni. Pour venir causer avec Adam. Kwa ajili ya kuzungumza pamoja na Adamu. Est-ce que tu es allé aussi sur Mars? Je n'ai pas mes chefs qui ont match. Pour voir qui là-bas? Il y en a nani uko? Dieu, Mungu, doit tout arranger. Anapasa kutengeneza yote. Pour que ça converge sur l'homme. Il y yote muende mwanadamu. Vitamine D. Vitamine D dans le corps ndani ya mwili que le soleil nous donne ambao jua inatupatia. On parle comme ça D D c'est D c'est pas A vitamine D vitamine D ase mutie muze kujua amener ces vieillards sur le soleil et tu prends les vieillards et tu l'amènes sous le soleil pour que le soleil serve. Ili jua imutumikie. Le soleil ici à côté. Jua iko hapa karibu. Seigneur. Bwana. Quand tu crées le soleil. Wakati ulikuwa ukiumba jua. Imagine que le soleil contiendrait. Ulikuwa unajua ya kwamba jua itakuwa na mambo. Que l'homme va consommer. Ambao mwanadamu atatumia. Est-ce que le soleil, tu ne l'as pas imaginé juste comme une torche pour donner la lumière? Les arbres, miti, les feuilles et les herbes, majani, privés l'heure du soleil, muaime tujua, et ils sèchent, na wanakauka, et fanent et ils meurent, na wanakufa tayari. Seigneur, Bwana, l'homme va manger les herbes, mwanadamu atakula majani, le soleil va donner sa photosynthèse aux herbes. Jua litatoa mbolea kwa ile, pour que l'homme mange les herbes toute sa vie. Kwa ile majani, ili mwanadamu akule majani maisha yake yote. Ça vient sur inakuja yote na mwendea mwanadamu. Et quand l'homme mange les herbes, na wakati mwanadamu anakula majani, il n'y a pas péché. Hakuna zambi. Qu'une créature considère que toi homme tu me manges, je vais t'accuser chez Dieu. Ile kiumbe sema wewe mwanadamu unanikula nitakuchongea kwa Mungu. Et si l'homme refuse de manger les herbes, na kama mwanadamu anakataa kukula majani, ces herbes seront inutiles sur la terre. Majani hayo hayatakuwa na mafaa duniani. Ça sert à rien. Haifai kwa kitu. Il est écrit dans Romains, imeandikwa ndani ya Warumi, je crois 8:19. Warumi 8:19. La création entière, ulimwengu nzima, uumbaji nzima, soupire, inatamani, après la révélation, inasubiri kuonekana, des fils de l'homme, ama kufunuliwa kwa wana wa watu. D'autres versions disent après la manifestation, kisa kuonekana. D'autres versions disent après l'apparition, kisa kutoku kuonekana. L'apparition des êtres humains, kuonekana kwa wanadamu. La création va souffrir aussi longtemps que les hommes ne viennent pas là-dedans. Umbaji utateseka wakati wanadamu hawaja kuja humo ndani. Les fils de l'homme, wana wa mtu, sont attendus par la création. Wanasubiriwa na uumbaji. Le lac Kivu, ziwa Kivu, sera inutile, haitakuwa na mafaa, si depuis la création jusqu'à ce que nous allons partir au ciel, kama tangu umbaji mpaka wakati wa d'être humain ici, hakutakuwa mwanadamu hapa. Quelqu'un disait, il y a des gros poissons dans ce lac là en bas qui vieillissent et qui meurent sans que quelqu'un les mange. Ces poissons doivent beaucoup souffrir. Et dites-vous là qui est à Goma, nous sommes ici, non? Venez nous manger. On nous a mis ici pour vous. Cessez d'importer les poissons de la Chine ou de l'Inde ou de quelque part. Nous, on est ici. Nous sommes votre nourriture ici en bas. Et l'homme de Goma dit, il y a du gaz. On est content de sambaza en haut ici. Nous sommes là-bas. Parce que l'intelligence que nous avons ne nous permet pas de contourner le gaz et de vous rejoindre là-dedans. Pourtant, tout ceci a été placé pour l'homme. Même le décor géographique, les montagnes, les vallées, les collines, les plaines, les plateaux, toutes ces choses mambo haya yote ont été fixées pour l'homme. Yaliwekwa sababu ya mwanadamu. Merci Seigneur. Asante Bwana. Il y a des astres en haut. Kuna masayari huko juu. Les étoiles, ils envoient leur petite lumière. Kuna nyota zinazotuma mwangaza. La lune envoie sa lumière. Kuna mbara mwezi inayotuma mwangaza. A qui? Inamtumia mwangaza nani? A qui? Nani? Allô. Mwanadamu. Tu as manqué d'action de grâce? Umekosa shukurani. Nous sommes quelquefois remplis de nos requêtes. Mara tunajaswa na mahitaji yetu. Et nos requêtes nous ont bourrés. Na mahitaji yetu yametucha. Au point que ça nous a aveuglés, ça nous a caché même Dieu. Na mpaka wakati nous disons, Dieu aide-moi. Mais ces mêmes requêtes ont déjà bouché nos yeux. Ichapokuwa mahitaji hayo yamefunga macho yetu ili tusiweze kumuona Mungu. Tout ça. Ndani ya hii yote. Dieu. Mungu. Dieu. Uko ndani ya yote. les perfections invisibles de Dieu. Ukamilifu usioonekana wa Mungu. Sa puissance. Uwezo wake. Seigneur. Bwana. Maintenant. Sasa. Qu'est-ce qui fait? Nini nayofanya? Que tu inclines. Que tu arranges toutes ces choses. Kwamba unatengeneza haya mambo yote unayageuza. Pour l'homme. Kwa ajili ya mwanadamu. C'est la deuxième facette que nous voulons partager. Ni hii uso wa pili ambao tunatamani kuzungumzia. La personne de Dieu. Utu wa Mungu. Et c'est dans cette facette ici. Na ni ndani ya uso huu. Que l'homme se retrouve. Parce que frère, sœur, si Dieu reste ce grand Dieu, si Dieu reste ce Dieu puissant, et si on ne trouve pas dans cet être infini un petit coin où l'homme viendra se greffer ou se brancher pour communiquer, un endroit de contact, une petite région de l'être de Dieu où nous pouvons maintenant être à mesure d'interagir. Je ne sais pas si l'homme va exister. C'est au niveau de la personne de Dieu que nous avons l'espace pour interagir avec le Créateur et même pour prétendre solliciter sa gloire vers nous. C'est pourquoi je voudrais appeler quelqu'un ce soir. Si tu penses encore à des choses à la maison, viens ici. Parce que la compréhension de cette facette est capitale. Elle te permet de te retrouver dans tout cet arsenal-là. C'est ici où on se retrouve. Ok. Regardons la parole. Tuangalie neno. Sa personne. Utu wake. Dans le psaume chapitre 33, versets 8 à 12, permettez-moi de vous montrer certains aspects de la personne de Dieu que nous allons partager. Premièrement, la personne de Dieu est composée de son cœur, ses desseins, mapenzi yake, son caractère, tabia yake, sa personnalité. Utu wake. Parlons de son cœur. Tuzungumzie kwanza moyo wake. Dans sa personne. Ndani ya utu wake. Vous avez trouvé? Mumepata. Psaume 33. Zaburi 33. Il est écrit. Imeandikwa. Allons-y ensemble. Twende pamoja. Les desseins de l'Éternel. Verset 8. Mustari wake wa nane. Allons-y. Que toute la terre dunia nzima craigne na imogope Mungu. L'Éternel. Est-ce que Mungu muko hako? Est-ce que vous êtes là? Je peux voir si vous êtes là? Naweza kuona kama muko hapa. On peut acclamer un peu le Seigneur. Naweza kushangilia kwanza kidogo Bwana. Alléluia. Amen. Allons-y. Twende pamoja. Que toute la terre ulimwengu nzima craigne l'Éternel. Na imche Mungu. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Watetemeke mbele zake. Car il dit. Maana anasema. La chose na jambo linafika. Il ordonne. Anaamuru. Elle existe. Na yanakuwa. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur génération en génération. Les desseins du cœur de Dieu subsistent de génération à génération. Les hommes que Dieu a créés à son image, il leur a donné la capacité d'avoir eux aussi des desseins. Et comme ces hommes-là sont dans des nations, sont sur la terre regroupés en termes de nations, ils formulent quelquefois des desseins. Mais le dessein de l'Éternel subsiste de génération en génération. Quand est-ce que le dessein de l'Éternel a commencé? Amen. Quand est-ce que Dieu t'a eu des desseins? Je crois que Dieu, comme ces desseins subsistent à jamais, il les avait pour l'humanité, c'est-à-dire les êtres humains, avant la création. Quand tu commences une œuvre, wakati unaanza kazi fulani, tu veux monter une œuvre, unatamani ufanye kitu, sans avoir un dessein, bila kukuwa na ile ambayo unayotamani, sans un dessein, bila unayotamani moyoni mwako, tu vas faire n'importe quoi. Utafanya kitu ambacho tu vas faire un truc qui n'a pas d'aboutissant. Utafanya kitu ambacho hakina mwisho. Et ton œuvre risque d'échouer. Na kazi yako ile ambayo unafanya inaweza kushindwa. Il y aura des choses inutiles dans ton œuvre. Kutakuwa vitu ambavyo havina maana ndani ya ile kazi yako. Il y aura des choses ratées dans ton œuvre. Kutakuwa vitu ambavyo umevikosa ndani ya ile kazi yako. Mais dans toute cette création de Dieu, lakini ndani ya uumbaji yote ya Mungu, il n'y a rien de raté. Hakuna kitu ambacho aliweza kukitia tu kama vile kosa. Même les serpents, hata nyoka, so utile, wanakuwa na maana, oh, un but, wanakuwa na lengo. Aujourd'hui, les gens regardent les serpents comme un sorcier, comme un. On voit les serpents. Kwa jina la Yesu. Leo watu wanaona nyoka kama vile mchao wanapomuona wanaanza kemea. Bwana asifiwe. Amen. Quand Dieu lance son chef-d'œuvre, wakati Mungu anaonyesha kazi ya mikono yake, il a un dessein. Anakuwa na ile anayotamani moyoni mwake. Dans son cœur. Ndani ya moyo wake. Il a un cœur. Anakuwa na moyo. Et dans ce cœur. Ndani ya moyo huo. C'est toi. Ni wewe. Et dans son cœur. Ndani ya moyo wake. Il sait qu'à 2019. Anajua 2019. Il y aura quelques hommes et quelques femmes. Utakuwa wanaume qui s'asseyeront sous un bâtiment. Ambao watakuwa wanaketi chini ya jengo moja. Ils vont apprendre de moi. Na watakuwa wanajifunza juu yangu. Et ils vont commencer à m'adorer différemment. Na wataanza kuniabudu kutofauti. Il eut un dessein. Akakuwa na ile anayotamani ndani ya moyo wake. Nous sommes et nous constituons les points culminants du dessein de Dieu dans la création. Sisi ndio tunaokuwa wa maana ndani ya mpango wa Mungu ndani ya uumbaji. Nous sommes les points culminants. Sisi tunakuwa ile ambayo inakuwa ya muhimu. Nous sommes l'apogée. Sisi tunakuwa ile ambayo ni sifa ya uumbaji. Nous sommes le sommet de la création. Sisi tunakuwa juu ya uumbaji. C'est seulement nous ni sisi tu dont il est prévu ambao imetayarishwa d'habiter avec Dieu tuketi tuishi pamoja na Mungu milele. Dieu n'a pas prévu Mungu hakutayarisha que Nyiragongo ya kwamba Nyiragongo va aller habiter avec lui éternellement. Ataenda kukaa pamoja naye milele. Dans Apocalypse il est écrit, ndani ya kitabu cha Ufunuo imeandikwa, et j'ai vu le trône blanc, nikaona kiti cha enzi nyeupe kikishuka, et la nouvelle Jérusalem, na Yerusalemu mpya, les cieux et la terre, mbingu na dunia, s'enfuir, zikakimbia mbele, y compris Nyiragongo, hata Nyiragongo. Ils ont fui, ils sont partis où? Wakakimbia wakaenda wapi? La création a fui. Umbaji kakimbia. Les cieux et la terre mbingu na dunia ont fui. Vikakimbia. Lorsque Dieu Wakati Mungu a décidé alipoamua de préparer un endroit où il veut mettre ce même homme-là, alipotayarisha nafasi ambayo atatia ule ule mwanadamu. Les cieux et la terre mbingu na dunia trouvent leur raison d'être dans la présence de l'être humain sur la terre. Lorsque l'être humain ne sera plus sur la terre, les cieux et la terre disparaîtront. Ils vont comprendre qu'ils ne servent plus à rien. Même la maison que tu construis comprendra que tu es parti et que ça ne sert à rien. J'imagine toute cette création qui décide de s'enfuir. Les choses sont déjà compliquées. Je m'en vais. Ces hommes sont déjà partis. Ça ne sert plus à rien. Nous ne servons à rien. Nous sommes inutiles. Même l'or et les richesses du Congo. Hata sahabu na utajiri wote wa Congo. Faut partir. Vinakuwa de ce qui se retrouvera inutile. Ya ila mbo haitakuwa na maana. Sera dans cette terre qui sera en train de fuir. Vitakuwa ndani ya hii dunia ambayo itakuwa iko na kimbia. Profite de prendre les diamants maintenant. Sasa ufaidie uchukue, uchukue alimasi kwa sasa. De l'utiliser pour la gloire de Dieu. Na uitumie kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Parce que ces diamants en train de regretter. Sababu alimasi iko na juta. Banadamu kumko na chelewa munango ya nini? Les hommes, vous traînez, qu'est-ce que vous faites? Nous sommes ici. Mungu ametutia hapa juu yenu. Dieu nous a mis ici à cause de vous. Unatuona, et comment vous êtes en train de nous regarder? Venez pour nous prendre. Venez, donnez-nous une chance. Ya kukua na valeur. D'être valeureux. Écoutez. Sikiliza. Les lingots d'or sous la terre. Zahabu iliyo duniani. N'auront de valeur. Haitakuwa na maana. Que lorsque vous prendrez ça. Kama tu wakati utakapo ichukua. Lorsque l'être humain. Wakati mwanadamu. Prendra ça. Atachukua zahabu hii. Et donnera essence à ça. Na atapatia samani kwa hiyo. Je reviens, je vous ai dit. Ninarudilia, si tu donnes un iPhone à un pygmé. Ukimpatia dans la forêt équatoriale au fond. Ndani ya pori. Tu n'as jamais vu ce qui se passe, quoi, tu ne lui expliques rien. Ya Equatoria haja iona na ufasile kitu. Un oiseau. Itamsaidia na naua ndege pamoja naye. Kama vile jiwe. Les richesses congolaises. Utajiri wa Congo. Attendent les Congolais. Si, unasubiri wa Kongomani. Et comme les Congolais traînent à les prendre. Les étrangers kuchukua. Viennent et ils prennent ça. Wageni wao wanakuja na wanaichukua. Et les richesses sont contents. Na utajiri wao unafurahi. Vous dormez là en bas et puis nous nous restons ici dans les autres qu'ils viennent et qu'ils nous prennent. Le pasteur est en train de chimbaor ou bien? Le pasteur est en train de nous envoyer pour aller creuser de l'or. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je suis en train de parler. Niko nasema. Nous cherchons la gloire de Dieu. Nous sommes en train de parler de ce qui constitue le poids de Dieu. La deuxième facette, ce qui constitue le poids de Dieu, c'est sa personne. Mais le premier élément, le premier élément de la personne de Dieu, c'est son cœur. Un grand cœur. Inakuwa ni moyo mkubwa. Un cœur. Ni moyo. Grâce auquel. Ambao kupitia ayo. L'être humain existe. Mwanadamu iko leo. C'est grâce à ce cœur. Ni kupitia moyo hiyo. Que tu es ce que tu es. Ndio uliye ambaye wewe uko. Tout ce que tu es là yote ambayo a été conçu dans le cœur de Dieu. Ilifikiriwa ndani ya moyo avec wa Mungu. Bienveillance. Pamoja na umakini. Avec amour. Pamoja na upendo. Avec affection. Pamoja na upendo. Le cœur. Moyo. Le cœur de Dieu. Moyo wa Mungu. Donc, Dans Genèse chapitre 1 verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Nous avons vu hier que Dieu est indépendant. Ça te vient d'où, Seigneur? Que tu nous crées à ton image. Ça vient de son cœur. Quelqu'un a-t-il déjà apprécié le fait de sa création? As-tu déjà considéré la valeur de ta création? Ça vient du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Le cœur Moyo. De Dieu. Moyo wa Mungu. Dans Nombre chapitre 23 verset 19. Regardez ça avec moi. Unaweza kutazama pamoja nami. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dieu a un cœur. Maintenant, sasa, c'est dans cet élément de cœur de Dieu que nous retrouvons son amour, ambamo tunakuta upendo wake, sa compassion, tunakuta rehema zake, son affection, tunakuta upendo wake, que nous retrouvons Dieu, ambamo tunakutana Mungu, le Dieu relationnel, Mungu ambaye anahusiana na watu. L'amour de Dieu. Upendo wa Mungu. Car Dieu a tant aimé le monde. Sababu Mungu aliupenda sana ulimwengu. Il a donné son fils unique. Akamtoa mwana wake wa pekee. Ça vient de ce cœur. Inatokea ndani ya moyo wa Mungu. Regardez ce qui arriva après la chute en Eden. Tazama iliyofika kisa kuanguka kwa mwanadamu Edeni. C'est sa faute. Ni kosa lake. Il mérite la condamnation. Anastahili kuhukumiwa. Mais Dieu revient. Lakini Mungu anakuja. Adam, Adamu, où es-tu? Wewe uko wapi? Si c'était toi Dieu, ingelikuwa wewe ndiye Mungu. Et tu es conscient que c'est sa faute. Na unajua kwamba ni kosa lake. Tu l'avais prévenu. Ulimuarifu. Tu lui avais dit si tu fais ceci, ceci va arriver. Ulimwambia ukifanya hivi hiki kitafika. Si tu fais cela, cela va arriver. Ukifanya hivi hiki kitafika. Maintenant il a fait cela et cela est arrivé. Sasa kafanya kile na hicho ndicho kitafika. Si vinamuona. Seigneur. Bwana. Pourquoi tu descends le chercher? Sababu gani unashuka kumtafuta? Mon cœur. Moyo wangu. Mon cœur. Moyo wangu. Regardez chacun de nous. Tazama kila moja wetu. Tu es né chez toi. Mezaliwa kwako. Tu as grandi. Umekomaa. Tu t'es embourbé dans le péché. Kisa ukaingia ukazama ndani ya dhambi. Et tu es venu avec tes fardeaux de péché. Seigneur, pardonne-moi. Bwana unisamehe. Unisamehe. D'accord, je te pardonne. C'est quoi ça? Hiyo ni nini? C'est la puissance de Dieu? Je ni uwezo wa Mungu. C'est quoi? Ni nini? La compassion de Dieu. Rehema huruma za Mungu. Fait que le pardon est possible. Inafanya ya kwamba msamaha inakuwa inawezekana. Et cette compassion est où? Na hii rehema inakuwa wapi? Dans la personnalité de Dieu. Ndani ya utu wa Mungu. Dans la personne de Dieu. Ndani ya utu wa Mungu. Dieu dit, Mungu anasema, cherchez-moi et vous me trouverez. Mnitafuta nanyi mtanipata. Je di? Ngwanasema Kikong me cherche me trouve. Yeyote anayenitafuta ananipata. Mbona Mungu? Mbona unajifanya facile hivi? Pourquoi tu peux te faire si facile comme ça au Dieu? Mbona Mungu kwa grave? Dieu tient grave. Mbona unajishusha sana? Mais tu te rabaisse. Kwa nini? Pourquoi? Il a un cœur. Ana moyo. Il y a même des gens qui sont tombés dans les lieux saints. Kuna watu ambao walianguka hata ndani ya mahali patakatifu. Asona toshe mimba wapi? Tu as tiré où cette grossesse? Kumokete. À la moquette. Ja. Est-ce que tu seras pardonné un jour? Tu utasamehewa siku moja. Et puis ce gars-là vient. Na kisha ule kijana anakuja. Pardonne-moi Seigneur. Unisamehe Bwana. Et puis Dieu vérifie dans son cœur. Il scanne son cœur. Il vérifie qu'il est devenu authentique. Il dit ok, je te pardonne. Et ce qui est grave, Hébreu 10 dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Même ce péché qui a été commis sous à la moquette, a tu ne vas pas te souvenir de l'ombre et la mort, il les a indiqués. Tu peux oublier les péchés qui ont été commis là, à la vallée de l'ombre et de la mort. Il est en train de jouer avec toi. Il est en train de jouer avec toi dans ta maison. Et ça, tu laisses aussi. Oui, j'oublie. Ton cœur est d'une autre façon. Un grand cœur. Moyo kubwa. Un grand cœur, moyo mkubwa, et qui constitue le poids de Dieu. Na ambao inakuwa na uzito wa Mungu. En fait, unajua, pourquoi Dieu dit il est terrible tomber dans ses mains? Sababu gani Mungu anasema ni hatari kuanguka mikononi mwake? Écoutez-moi ce soir. Munisikilize je crois que j'ai allé dire à 2011. Les gens n'iront pas en affaires pour avoir commis la plus grande quantité de péchés. La plus grande quantité de péchés. C'est pas ça qui va amener les gens en affaires. Ce qui va amener les gens en affaires, c'est d'avoir méprisé un si grand salut, c'est d'avoir méprisé le cœur de Dieu. C'est-à-dire Dieu a exposé son cœur comme ça. Dieu a étalé son cœur comme ça. Et toi, tu as craché dessus. Ça, rendez-vous en affaire. Tutakutanana huko ndani ya moto. Hapana na si. Mtakutanana kule ndani ya moto. Hapana. Hapana sisi. Parmi vous qui êtes ici, qui va aller en affaire? Levez la main. Hapa nani ataenda ndani ya moto hapa? Si unyoshe mikono. Lève ta main. Bon, qui c'est qui n'ira pas en affaire? Nani ambaye anajua kwamba hataenda ndani ya moto? Sasa ushikaze. Maintenant il faut te forcer. Le cœur de Dieu est tellement grand et vaste. Moyo Mungu inakuwa kubwa sana. Et il y a des espaces pour tout le monde. Na muna nafasi kwa jili ya kila mtu. Même les ADF Nalu. Hata wa ADF Nalu. Bas. Même les Al-Qaïda. Hata ma Al-Qaïda. Les Daesh. Hata wale wa Daesh. Ils ont leur espace dans ce cœur. C'est un cœur grand. Wana nafasi yao ndani ya moyo huo sababu ni moyo mkubwa. Si wana muna nyamaza. Vous taisez. Muna penda Mungu wa frapper. Vous voulez que Dieu le frappe. Mais si wangalie tu nyuma. Regarde seulement en arrière. C'est que toi tu étais. Il ambayo wewe ulikuwa. Si Mungu anakuanzia hako sasa hivi. Aujourd'hui, Dieu peut commencer par toi, Paul en Asema. Ce que nous étions, et l'amour tout le nous cours. Avons honte d'en parler. Ah, tu n'as rien à couper sur Gomzia, Paulo. Cette miséricorde là, Irema, elle est là dedans, dans le cœur de Dieu. Tania moyo wa Mungu. Même la raison d'être la prière. Hata sababu ya kuwa kwa maombi. Tuende tuombe sana. Oh, allons partons pour prier beaucoup. Nous allons prier pourquoi? Parce qu'il y a un cœur. Mule Mungu wa grave. Dans ces dieux grands. Ukienda kuma partie nyingine ya ule Mungu. Si tu pars dans d'autres facettes. Utakosa fasi ya kupita. Tu vas manquer un espace par lequel passer. Utakosa uingilie wapi. Tu vas passer, tu vas manquer par où passer. Mais ukienda kwa Mungu. Mais si tu pars chez Dieu. Tafuta pale kwenye banaita senjo roho ya Mungu hapa. C'est là où on appelle c'est ici le cœur de Dieu. Pale. Et il faut entrer par là. Ingilia ku roho. Il faut entrer par le cœur. C'est le terrain que Dieu a préparé. Ni wacha ambao Mungu ametayarisha. Pour que l'homme interagisse avec lui. Ili mwanadamu achadiliane pamoja naye. Un grand cœur. Moyo mkubwa. Dites Seigneur merci pour ton grand cœur. Sema Bwana asante kwa ajili ya moyo wako mkubwa. Sema bien, sema bien. Parle ça bien. Unajua? Vous savez? Tout ce que tu es là. Ile yote ambao uko. Aujourd'hui. Siku ya leo. Uko na kanyumba, kagari, kabon. Tusha sema tuko na sema ka. Tu as une maison, tu as na lunyumba, na lugari. Tu as une maison, tu as un véhicule. Toutes ces choses là. Mambo haya yote. Tu les as à partir de ce coin là du cœur de Dieu. Unakuwa nayo ni kupitia hii moyo wa Mungu. Tu rates ce coin ici de Dieu. Unakosa hii nafasi ya moyo wa Mungu. Tu n'es pas là. Tu vas rencontrer l'autre côté. Utakuta ngambo ingine. Un Dieu tout puissant. Mungu mwenyezi mwenye uwezo wote. Il est déjà là. Iko hapo tayari. Qui parle? Nani anasema? Aseni kama mwanadamu moyo hiki kiko naongea huku kumkono. Oh c'est ni mecki en train de parloter ici. Toka pour toka kule. Vata. Quand tu t'appimes ko tasogea. Comment tu vas t'approcher? On l'appelle feu dévorant. Wanamwita moto ulao. Kisha unatokea kule kumoto. Si unalungula déjà. Maintenant tu parles au feu. Tu seras consumé. Si tu viens à Dieu du côté de son côté de feu dévorant. Mais le feu va te dévorer déjà. Si tu viens chez Dieu du côté de sa terribilité, le Dieu terrible. Terrible. Mais si ta lumière déjà ou quoi? Tu seras écrasé. Contourne. Zumbuka. Jusqu'à ce que tu repères mpaka wakati utapata l'endroit où il faut entrer. Mahali ambapo inapaswa. C'est là, ni hapo, dans la personne de Dieu. Ndani ya utu wa Mungu. Tu vas trouver petit chemin. Utapata njia ndogo. Et tu peux entrer. Na unaweza kuingia. Et il va t'accueillir. Na atakupokea. Sasa naona toka. Tu viens d'où? Sasa mimi natoka Goma. Je viens de Goma. Nini na wewe? Qu'est-ce qu'il y a avec toi? Ah, Shetani ananimaliza na buchawi. Satan vraiment me fait souffrir avec la Satan animalise na bukahaba. Satan me fait m'emmener avec la prostitution. Asa ingia mwanangu. Anakuambia ingia. Ingia. Entre. Ingia. Entre. Kisho na ingia. Et puis tu entres aussi. Kisho na muuliza. Et puis tu lui demandes. Aone kini ko buchafu sana. Est-ce que tu vois pas que je suis tes ça? Mimi ndo nakupanguza. Et il te dit non, c'est moi qui va t'essuyer. Ingia tu. Entre seulement. Kisho kisha ingia. Et puis lorsque tu es entré, il commence maintenant à te laver. Nakosha buchafu. Il commence maintenant à lever toutes tes saletés. Unasikia unatulia. Et tu sens que tu es maintenant tranquille. Kisha nasema tulia mwanangu. Et il te dit sois en paix mon fils. Ah. Alléluia. Seigneur. Bwana. Kisha mtu arate hiki tu. Maintenant quelqu'un rate ça. Je vous ai déjà prévenu. Quand on sera au ciel, un archois se retrouve en affaire. Je vais demander la permission d'aller le frapper en affaire. Attends 40 coups moins 1. Kisha minarudi à kwangu. Aïe tout, naezenda ku moto na huko nasikia maneno kama haya. Comment tu peux partir en enfer alors que tu es en train d'entendre okay, les paroles comme ça? Le panier de offrandes circule. Vitunga vya sadaka viko vinapita. Donnons à Dieu. Tutakuwa tukimtolea Mungu. Bandugu bapenzi, ukienda ku moto uningoe. Si tu pars en enfer, attends-moi là-bas. 40 coups. Utapata kabisa fimbo makumi. Kisha narudia. Et puis je rentre. Un grand cœur comme celui-ci. On a chez Anaïo. Et puis tu es en train de jouer avec. Un grand cœur. Moyom Kubwa. On se limite à faire des petits chants, on chante. je te désire. Est-ce que tu es sincère? Tu désires Dieu? Alléluia. Amen. Dieu, Mungu, tu m'aimes. Unanipenda. Est-ce que tu sens l'amour de Dieu ce soir? Unasikia upendo wa Mungu jioni ya leo? Est-ce que tu sens que tu as de la place là-dedans? Unasikia kwamba una nafasi humo ndani? Autant que existera sur la terre les êtres humains. Mpaka wakati wanadamu watendelea kuwa duniani. Et le petit qui naît à ce moment que nous parlons à la maternité. Na mtoto mchanga anayezaliwa hapa. Il a déjà un espace dans le cœur. Ameshakuwa na nafasi ndani ya moyo. Avant même qu'il naisse. Mbele hata avant même qu'il soit conçu. Mbele hata hajachukuliwa utauzi. Dieu prévoit déjà quelque chose, un espace. Mungu ameshatayarisha nafasi kwa ajili yake ndani ya moyo wake. Merci pour ton grand cœur, Seigneur. Asante kwa ajili ya moyo wako mkubwa Bwana. Alléluia. Amen. Le grand cœur. Moyo mkubwa. De Dieu. Wa Mungu. Parlons de ses desseins rapidement. Tuzungumzie mipango yake haraka. Dans la personne de Dieu, il y a ses desseins. Il y a son cœur. Ndani ya mtu wa Mungu kuna moyo wake. Mais il y a aussi ses desseins. Lakini kuna pia mipango zake. Ses desseins. Mipango zake. Ce sont les projets de toute la création. Inakuwa ni miradi za uumbaji wote. Qui sont initiés par la volonté de Dieu de le faire concourir au bien de l'homme. Ambazo zinaanzilishwa na mapenzi ya Mungu ya kufanya kwamba hizo zote zitumike kwa ajili ya kumtumikia mwanadamu. Alléluia. Amen. Mais cette volonté de Dieu est libre. Lakini hii mapenzi ya Mungu inakuwa huru. Lorsque Dieu formule son projet sur ton existence, wakati Mungu anaanza kutengeneza mpango wake kwa ajili ya kukua kwako, il est libre. Anakuwa huru. Lorsque Dieu formule ta destinée, wakati Mungu iko natengeneza hatima yako, il est libre. Yeye ni huru. Ne jalouse pas la destinée d'un voisin. Usisikilie wivu hatima ya maisha ya jirani yako. Quand Dieu a formulé ta destinée à toi, wakati Mungu alipotengeneza hatima yako, il était libre. Alikuwa huru. Mais rassure-toi d'une chose. Lakini uhakikishwe na jambo moja. Les desseins de Dieu sont bienveillants. Mapenzi ya Mungu yanatengenezwa kwa umakini. Chaque dessein de Dieu rempli de bienveillance. Kila mpango wa Mungu inakuwa na umakini. Même lorsque tu lis ton passé. Hata wakati unaanza kuangalia jana yako. Et tu sens qu'il y a eu un parcours difficile et douloureux. Na unaona ya kwamba ulipitia maisha magumu na machungu. Rassure-toi que ce n'est pas la faute de Dieu. Uhakikishe ya kwamba hiyo sio ndio kosa la Mungu. Dieu n'a jamais envoyé Eve pour aller pécher. Mungu hata mtuma Eva ili aende kafanye dhambi. Dieu n'a jamais envoyé Satan pour qu'il commence à vouloir monter à sa place. Mungu acha mtuma shetani aanze kupana na tafute nafasi ya Mungu. C'est le cœur de l'homme ni moyo wa mwanadamu qui est tortueux, ambaye ni mgumu, qui quelquefois a cherché à faire des choses contraires au dessein de ambaye Dieu. Ambaye mara inatafuta kufanya mambo yaliyo tofauti na mapenzi ya Mungu. Bwana sifiwe. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Apocalypse 4:11, il est écrit, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Ufunuo 4:11, nasema kwamba ni kwa mapenzi ya Mungu ndivyo kila kitu kinakuwa na ambao kimeumbwa. Alléluia. Amen. Les desseins de Dieu. Mipango za Mungu. Les desseins. Mipango za Mungu. De l'Éternel. Mipango za Bwana Mungu. Les desseins de Dieu ne se limitent pas à l'individu. Mipango za Mungu haziishie kwa mwanadamu. Il a des desseins. Anakuwa na mipango. Sur toute l'humanité au plan global. Kwa ajili ya ulimwengu wote kwa ujumla. Il a des desseins collectifs pour une collectivité. Anakuwa na mipango za ushirika kwa ajili ya mashirika. Un groupe des êtres humains. Kusema kikundi cha wanadamu. Il a des desseins. Anakuwa na mipango. Pour des familles. Kwa ajili ya majamaa. Et ce soir, j'aimerais rassurer quelqu'un. S'il est vrai que dans le dessein de Dieu, il y a de la bienveillance, alors tu peux rester calme na unatulia. Unaweza kubaki kimya na amani yote. Lorsque l'homme est tombé en Éden, on pouvait dire que tout est foutu. Wangepasa kusema mambo yote yameharibika. Mais dans le dessein de Dieu, Mungu, à cause de son cœur bienveillant, il est venu pour sauver l'homme. Il lui a donné une voie de sortie. Ça prend plusieurs siècles, mais la finalité, c'est que Dieu aille des hommes et des femmes avec qui va interagir au ciel pendant l'éternité. Des hommes et des femmes qui vont faire partie de sa famille, qui vont vivre avec lui dans l'éternité. Mais à commencer de maintenant, nous vivons déjà avec lui. Alléluia. Amen. Parlons de son caractère. Tuzungumzie tabia yake. Il est écrit dans Psaume 81:14. Imeandikwa ndani ya Zaburi 81 mstari wa 14. Dieu dit, Mungu anasema, ah, si mon peuple m'écoutait, kama taifa langu lingenisikiliza, si mon peuple marchait dans mes voies, kama taifa langu lingelitembea njia zangu kwa ghafla, j'humilierais ses ennemis. Ningewahayarisha maadui zake. En un instant. Kwa ghafla. Je tournerai ma main contre ses adversaires. C'est-à-dire, vous hommes, si vous faites ceci, je ferai ceci. Ça, c'est la manifestation du caractère. Ça veut dire que Dieu sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Et c'est ça qui a engendré les lois et les prescriptions de Dieu. Ça provient de son caractère. Il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il ne veut pas. Et il travaille pour faire asseoir ce que lui veut. Et ce qu'il veut, c'est que l'être humain, à cause de ce grand privilège qu'il lui donne, que l'être humain s'inscrive dans ce que lui veut. Et l'être humain qui refuse de s'inscrire dans ce que Dieu veut, dans son caractère, le caractère de Dieu, il le frappe. Mais il ne le frappe pas par méchanceté. Il le frappe. C'est là qu'il est écrit. L'Éternel châtie l'enfant qu'il aime. Il le frappe pour stimuler sa conscience. Et quand sa conscience se stimule, et que cet enfant revienne à Dieu, dans le caractère de Dieu, il est prévu qu'il l'accepte et le reçoive à nouveau. Toi qui vis dans la culpabilité, je t'informe que Dieu prévoit que si tu comprends et que tu reviens, il va te recevoir. Quelle que soit la gravité de ce que tu as commis ou tu as fait, ou de ce que tu es, si tu oses revenir correctement, le caractère de Dieu prévoit qu'il va te recevoir. Quatrièmement, sa personnalité. Dans Actes chapitre 13:22, il dit, j'ai cherché un homme et j'ai trouvé David, homme selon mon cœur, il accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Amen. Regardez avec moi Ephésiens chapitre 1 verset 11. Tazameni pamoja nami ndani ya kitabu cha Efeso 1 mstari wake wa 11. Ephésiens 1:11. Wa Efeso 1 mstari wa 11. Il est écrit, imeandikwa, en lui, mwake, nous sommes aussi devenus héritiers, tumegeuka pia warithi, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Kupitia matayarisho ya ule ambaye anatumika kufuatana na shauri ya mapenzi yake. Les conseils de sa volonté. Shauri ya mapenzi yake. Il a une personnalité. Anakuwa na utu wake namna yake ya kutumika. Tu peux pas jouer avec lui. Na uwezi kucheza pamoja naye. Aujourd'hui tu dis Dieu, enjoy hivi. Na leo aujourd'hui tu peux dire tu te retournes, tu reviens, tu dis Dieu, haiko vile ni hivi. Unageuka unarudi unasema sio hivi ni vile. Seigneur, donne-moi un mari géant. Bwana unipatie mwanaume ambaye atakuwa. Tu te retournes, tu dis Seigneur, non, donne-moi un mari brun. Na unageuka unasema nipatie mume ambaye ni mwekunda. Tu reviens, non, un mari cool. Hapana mwanaume mfupi. Dieu a une personnalité. Mungu anakuwa na msimamo wake. Aba munyanyasa ke hivi. Ole. A munyanyasa ke Mungu hivi. On excroque pas Dieu. Wow, c'est ça le mot. Alléluia. Amen. Quelqu'un acclame le Seigneur. Kuna mtu anashangilia Bwana. Dieu a une personnalité. Mungu ana msimamo wake. Et c'est à cause cette personnalité ya huo, que les gens vont vraiment aller en affaire. Watu kabisa wataenda ndani ya moto. Regardez l'histoire de Lazare. Tazama historia ya Lazaro. Elle est riche. Na tajiri. Lazare est allé dans le sein d'Abraham. Lazaro akaenda kifuani cha Abraham. Elle est riche et restée mourir. Na tajiri akakufa na. Il est allé dans la géhenne. Na kaingia ndani ya jehanamu. Et puis il fait appel à Abraham. Na kisa anaanza kumuita Abraham. Abraham est déjà chez Dieu. Abraham ameshafika kwa Mungu. Il est déjà comme Dieu. Amesha kuwa kama Mungu. La personnalité est sawa ya Mungu. Na anaanza kuwa na msimamo kama ya Mungu. Elle riche dit à Abraham. Na ule tajiri anamwambia Abraham. Je souffre ici. Nateseka huku. Dit à Lazare. Ambia Lazaro. De prendre une goutte d'eau. Achukua hata toni la maji. Et de me le faire tomber ici. Pour rafraîchir ma langue. Déjà son intelligence ne fonctionne pas bien. Écoutez-moi. Chaque fois que tu vas dans le péché. Ton intelligence là elle est tronquée. La plus forte raison que chef fika ça c'est en affaire. Maintenant lorsque tu es déjà en affaire. C'est déjà foutu. Il n'est plus capable de se rendre compte qu'une goutte avec kona, la chaleur où il est là, utauna, la goutte va sécher. Utakuwa na mafikiri ya kuwaza kwamba ile toni ya maji itakapofika tu ndani ya moto inakauka mbele kufikie wewe. Donc même si Lazare était bien avait la bonne volonté. Ni kusema hata kama Lazaro angekuwa na ikutaka kwema. La goutte va sécher. Na anatuma ile toni ya maji sitakauka. Bwana asifiwe. Amen. Mais regardez la réponse d'Abraham. Lakini tazama jibu ya Abraham. Abraham lui dit. Abraham anamwambia. Il y a une grande distance. Kuna nafasi entre kubwa vous là et nous ici. Inayokutenga wewe na sisi. Vous auriez dû prendre des décisions quand vous étiez sur la terre. Kuchukua maamuzi mazuri ulipokuwa ungali duniani. Selon Hébreux 7:29. Kufuatana na Waebrania 7:29. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Na kisa hapo hukumu inafika. Dans la personnalité de Dieu. Quand c'est l'heure de la grâce. C'est l'heure de la grâce. Ni wakati wa neema. Quand vient l'heure du jugement. Lakini wakati c'est l'heure du jugement. Inakuwa ni wakati wa hukumu. Ça c'est la personnalité de Dieu. Inakuwa ni msimamo wa Mungu. Et il lui dit, na namwambia, comme tu ne sais pas m'envoyer une goutte, sababu hauna uwezo wa kunitumia toni moja, je suis donc foutu. Ni kusema hapa mambo mes imeisha frères sont encore sur la terre. Lakini dunia ils vivent comme moi. Wangali, huko na wanaishi kama mimi. Dis à Lazare, wendo kamwambie Lazare, de rentrer sur la terre. Arudi duniani, d'aller le prêcher. Naenda kawahubiri. Vous connaissez la réponse? Qu'est-ce que Abraham répond? Unajua jibu. Abraham anajibu nini? Abraham dit à Orish. Abraham anamwambia ule tajiri. Tes frères, ndugu zako, ont des prédicateurs là-bas. Wanakuwa na wahubiri huko. Ils ont les Pierrot là-bas, na les Vianney, kule, les Kilotes. Wa Vianney wa Kilotes. Ils les ont là-bas. Wanakuwa na wao huko. Ça c'est la personnalité. Hii inakuwa ni msimamo. Si tes frères n'écoutent pas. Kama ndugu zako hawasikii. Les mamans Aurore qui restent prêcher là-bas. Wa mama Aurore ambao wako na hubiri huko. Tes frères viendront te trouver là en affaire. Ça, c'est la personnalité. C'est pourquoi il est écrit. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il récoltera. Pourquoi cette chose fonctionne? Parce que le Dieu qui a un grand cœur a aussi une personnalité. Donc Dieu n'est pas un grand père qui a un grand cœur et tu fais caca dans les habits et dit mon fils viens muyukulu kuya viens kutosh viens mon petit fils tu vas te promener tu rentres ivre tu viens vomir au salon les grands-pères dit la misa ni kwa jeune ni kwa na vomir ivi apana Dieu a une personnalité quand il a dit, voici comment il faut se comporter dans la maison de Dieu. Il faut obéir. Il faut accepter ce précepte. Si tu fais le contraire, Dieu a une personnalité. Le grand amour de Dieu ne supprime pas sa personnalité. Son amour, ses dessins, son caractère, mis ensemble avec sa personnalité, constitue sa personne. Dieu est équilibré. Aussi, ne crois pas que tu peux escroquer Dieu. Tu ne peux pas rouler Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Je on peut s'arrêter ici. On peut s'arrêter ici. On continue. Dieu Mungu a un cœur. Anamoyo. Dieu Mungu a des desseins. Anakuwa na mipango. Dieu a Mungu un caractère. Anakuwa na tabia. Dieu a une personnalité. Na Mungu anakuwa na msimamo. Tu peux le citer chez les voisins. Unaweza kuitaja kwa jirani yako. Cite ça chez les voisins. Unaweza kuitaja kwa jirani yako. Il faut bien citer là. Vous allez le corriger. Naomba kutaja vizuri. S'il réussit ou s'il a échoué. Na unarekebisha kama ni. Allez-y, allez-y. Kama ameweza ama ameshindwa. Est-ce qu'il ameweza ou ameshindwa? Il a réussi ou il a échoué? Combien ont réussi? Wangapi waliweza? Combien ont échoué? Wangapi walishindwa? Levons-nous. Tusimame.